Chapitre 16e. René des Armoises s'était levé joyeux. La journée promettait d'être belle et l'influence printanière, jointe à ses souvenirs de la veille, faisait pétiller en lui le désir de revoir Angèle Sénéchal. Il se repentait maintenant d'avoir ajourné sa visite et de s'être engagé avec sa mère. Pour tromper son impatience, il emmena Madame des Armoises à la campagne et la promena toute l'après-midi à travers les bois de Meudon, où les aubépines commençaient à verdoyer. Il s'en revint, grisé de soleil et de printemps, se coucha de bonne heure, et le lendemain se dirigea vers la rue de Rennes. Sa passion l'absorbait. Il n'était pas de ceux qui savourent à petits coups le vin de leur amour. Une fois que ses lèvres avaient effleuré la coupe, elle voulait l'épuiser tout entière. Il ne croyait pas à la satiété, et sa devise était qu'il faut aimer trop pour aimer assez. Depuis l'avant-veille, il avait sans cesse devant les yeux l'image d'Angèle tressaillant sous son premier baiser. Il la voyait se dérobant confuse à cette première caresse. Il lui semblait sentir encore le souffle léger de son haleine, le gonflement soudain de sa poitrine émue, et il avait hâte d'aller reconquérir ce baiser refusé. Au moment où il approchait de la maison de la rue de Rennes, il en vit sortir Joseph Toussaint, pâle et la figure bouleversée. « Vous alliez chez elle ?» s'écria Toussaint en apercevant le poète. « C'est inutile, la pauvre enfant n'y est plus. Ah, mon ami, je suis heureux de vous rencontrer. Vous me viendrez en aide. Où est-elle ? » s'écria René. Joseph lui conta rapidement la subite disparition d'Angèle. Il était monté dans l'appartement et avait trouvé sur le parquet la lettre contenant le refus de la direction de l'Odéon. « Alors, continua-t-il, j'ai eu peur de comprendre. Je me suis rappelé la nature exaltée d'Angèle. » Et les plus funèbres idées me sont venues. J'ai employé toute ma journée d'hier en recherche. J'ai couru chez les gens qu'elle connaissait, chez vous, chez Saint-Félix, chez la Genevraie. Personne ne l'avait vue. J'ai même osé entrer la morgue, reprit-il en baissant la voix. Il n'y avait rien. Ah, quelle nuit j'ai passée. Enfin, ce matin, j'ai su par les concierges que la police était venue au renseignement. Et d'après ce qu'ils m'ont dit, je crois qu'Angèle est au dépôt de la préfecture. L'effet produit par ces derniers mots sur des armoises fut terrible. Il recula comme frappé d'un coup violent et devint très pâle. « Courons la réclamer » murmura-t-il d'une voix altérée. « J'y allais » répondit Toussaint. « Mais concevez-vous cette horrible chose? Voyez-vous cette malheureuse enfant arrêtée la nuit, traînée au poste, enfermée avec des vagabonds? Oh, Paris !» René, d'un geste impérieux, appela un cocher qui passait. Ils s'élancèrent de la voiture et se firent conduire au dépôt. Là commença la longue série des démarches vaines et des pas perdus. On les renvoya à un bureau dont le chef n'était visible que dans l'après-midi. Ils l'attendirent pendant de mortelles heures d'angoisse. Tandis que René dépensait sa fièvre d'impatience en piétinement et en récrimination, Joseph restait immobile et pouvait à peine parler. De temps en temps, ses lèvres se desserraient pour répéter à des armoises « Je suis content que vous soyez venu. » Je n'aurais jamais supporté cela tout seul. Une fois en présence du chef de bureau, ils eurent à subir un interrogatoire soupçonneux, et il était déjà tard quand ils apprirent enfin la triste vérité. Joseph était atterré. « Folle ? » s'écria René. « Allons donc, ce sont ces gens-là qui sont fous et qu'on devrait enfermer. » La journée était trop avancée pour qu'on pût songer à courir à Sainte-Anne. Après une nuit de fièvre, ils se retrouvèrent le lendemain matin devant les hautes murailles blanches de l'asile. Là, comme à la préfecture, nouveau pourparler, nouvelle défiance et nouveau retard. Quand ils eurent réussi à se faire admettre près du directeur, celui-ci leur dit « La personne dont il s'agit a été en effet amenée ici comme malade en observation, mais elle a quitté l'asile ce matin. »« Où est-elle ? » demanda René. « Nous l'avons dirigée sur la salpêtrière. »« C'est une infamie !» s'écria des armoises indignées. « Mademoiselle Sénéchal a toute sa raison. On vous trompe. » Le directeur, habitué à de pareilles scènes, se contenta d'hausser les épaules. « Vous me permettrez, reprit-il avec un froid sourire, de m'en rapporter là-dessus au jugement des médecins plus qu'au vôtre. C'est de l'arbitraire, poursuivit le poète, mais nous protesterons contre cette odieuse séquestration. J'écrirai aux journaux. À votre aise, répliqua le directeur en fermant la porte au nez des deux jeunes gens. Quand ils furent dans la rue, Joseph s'assit sur un banc et regarda d'un air découragé les hautes façades nues de l'asile. « Que faire ? » murmura-t-il en laissant tomber ses bras sur ses genoux. René gesticulait et ses yeux noirs lançaient des éclairs. Il faut agir, répondit-il, et tenir tête à ces gens-là. D'abord, envoyons un télégramme à la mère, elle seule a qualité pour réclamer sa fille au parquet. Rappelons-la. Ils coururent à un bureau télégraphique et de là à l'hôtel de ville. René s'était souvenu qu'un de ses confrères, employé à la ville, pouvait lui faciliter l'accès de la salpêtrière, et il voulait lui demander conseil. En effet, grâce à la recommandation de cet ami, ils purent voir le lendemain le directeur de la salpêtrière. Dans toutes ses démarches, René mettait une énergie et une activité infatigables. Il prenait une sorte de rage contre cet obstacle imprévu au pied duquel venait se heurter sa passion. Il était de ceux qui s'obstiennent et redoublent de volonté quand ils rencontrent une résistance. Il n'admettait pas qu'Angèle, 3 jours avant si enjouée, si sensée et si charmante, eût pu devenir folle en une nuit. Il préférait croire à une de ces lourdes bévues policières dont on parlait assez fréquemment depuis quelque temps. À cette époque, si l'on s'en souvient, les journaux faisaient grand bruit de certaines séquestrations arbitraires, et la loi de 1838 était violemment attaquée à la tribune et dans la presse. René s'indignait et jurait de ne prendre aucun repos jusqu'à ce qu'il eût délivré Angèle. Tout en cheminant le long du boulevard de l'hôpital, Toussaint admirait le dévouement énergique de son compagnon. « Vous êtes bon, » dit-il tout à coup en lui secouant la main. « Figurez-vous que je vous ai longtemps accusé de manquer d'humanité. Oui, mon cher, vous aviez parfois de ces regards et de ces mots qui tombent sur les gens comme un coup de bâton. Et tout en admirant votre esprit, je vous croyais le cœur sec. Je me trompais, et je vous fais amende honorable. » Le directeur de la salpêtrière leur apprit que Mademoiselle Sénéchal était entrée dans le service du docteur Spiral, qui seul pouvait leur permettre de voir sa malade. « Quant à moi, ajouta-t-il, tout ce qui est en mon pouvoir, c'est de vous autoriser exceptionnellement à pénétrer dans l'intérieur de la maison, et encore cette autorisation ne devra servir qu'à l'un de vous. « Je vais entrer, » signifia impérieusement René à Toussaint, en l'entraînant dans un coin du bureau. « Vous m'attendrez dans la cour. » Joseph, un moment interloqué, considéra en silence les traits altérés de son ami. « C'est juste, » balbutia-t-il enfin. « Je suis trop maladroit, et vous êtes un homme d'action. C'est à vous de profiter de la permission et de faire pour le mieux. « Allez-y, » continua-t-il, tandis que sa gorge se serrait et que ses yeux se mouillaient. « Vous saurez mieux que moi parler à ce médecin. » Le directeur introduisit René dans les bâtiments réservés aux aliénés. « C'est l'heure de la visite du docteur Spiral, lui dit-il. Il est très raide en matière de service et très absolu dans ses idées. Néanmoins, voyez-le et tâchez de l'intéresser en votre faveur. Seulement, je vous préviens que si vous tentez de communiquer à son insu avec la malade, je serai forcé de vous retirer mon autorisation. » Tout en traversant les cours et les couloirs fermés de portes solidement verrouillées, René entrevoyait les dortoirs d'une propreté glaciale avec leurs rangées de lits blancs, les cellules grillées destinées aux agités, les salles de bain, où les malades sont emprisonnés dans leur baignoire comme dans une gaine, d'où la tête seule sort libre, les promenoirs avec leurs arbres grêles dont les troncs sont eux aussi enfermés dans une gaine de bois. Ça et là, des surveillantes en bonnet de tulle noire, revêtues du tablier à bavette, passaient en agitant leurs trousseaux de clés. Parfois, dans la pénombre d'un escalier ou sur les pavés d'une cour humide, il apercevait une folle accroupie, les cheveux en désordre, les poings enfoncés sous des yeux creux aux pupilles dilatées. Elle le suivait d'un regard méfiant et se levait tout à coup en poussant un cri rauque ou une plainte navrante. Derrière ces façades nues, sous ces toits au profil sinistre, 1500 malheureuses vivaient, si l'on appelle vivre n'avoir conservé de la vie que des mouvements désordonnés et des paroles sans suite. Toutes les variétés des maladies mentales étaient rassemblées là. C'était comme un vaste musée du putrin moral, où les incurables infirmités de l'esprit étaient classées et étiquetées, étalant sous des formes repoussantes les suites dernières des convoitises, des ardeurs et des désespoirs qui fermentent sourdement dans la grande cuve parisienne. En face d'un grand potager qu'on nomme le Marais, s'élevait le corps de logis affecté au service du docteur Spiral. C'était là qu'on avait amené Angèle. 10 heures venaient de sonner et la visite finissait quand René y pénétra. Le docteur, gros, robuste et décoré, avait retroussé ses manches et était en train de se laver majestueusement les mains. le poète, très pâle et s'efforçant de se faire humble devant ce prince de la science aliéniste, le salua et lui conta en peu de mots l'histoire d'Angèle ainsi que le motif de sa démarche. « Je connais cette jeune fille, » dit le médecin. « C'est une malade fort intéressante. Puis-je la voir ? Non pas. Elle n'a déjà eu que trop d'émotions. Congestion du cerveau avec hallucination. Nous la guérirons, mais son traitement exige l'isolement le plus absolu. Il est impossible qu'elle soit folle, » s'écria impétueusement René. Le soir de sa disparition, elle était gaie, calme comme toujours, et raisonnait de la façon la plus sensée. Le médecin eut un sourire dédaigneux, tout en égouttant ses doigts dans la cuvette. « Vous croyez ? » répliqua-t-il. « Nous appelons cela la folie lucide. C'est la forme la plus dangereuse de l'aliénation, parce qu'elle se présente sous de trompeuses apparences de raison. Pour vous, cette jeune fille est sensée, pour moi, elle est malade. Je le reconnais à certains symptômes qui ne nous trompent jamais. Ainsi, elle est prise la nuit de terreurs imaginaires. Et quand on lui rappelle l'incident qui l'a conduite chez nous, elle est saisie d'un tremblement nerveux. « Eh, monsieur, » interrompit René, « il nous en arriverait tout autant, à vous et à moi, si nous étions arrêtés au milieu de la nuit et brusquement jetés dans une maison de fous. » Le médecin sourit de nouveau d'un air de pitié, puis essuyant lentement ses mains à la serviette que lui tendait une fille de service. « Pour vous prouver, poursuivit-il, que je n'y mets aucune mauvaise volonté, je vais vous la montrer. Restez là, et promettez-moi de n'en pas bouger. » Il se fit ouvrir une porte donnant sur la cour intérieure, et se dirigea vers le pavillon opposé au vestibule. René, agenouillé contre les vitres soigneusement blanchies, mais dont la peinture était égratignée par places, le vit bientôt reparaître dans la cour suivi d'Angèle. Il reconnut la petite robe de laine noire qu'elle portait rue de Rennes. Elle avait la tête nue, ses beaux cheveux châtains dont elle était si fière, et qu'elle savait arranger avec tant de coquetterie, tombaient sur son cou en nattes désordonnées. Pâle, inquiète, mais toujours charmante, elle suivait timidement le médecin épais et solennel qui marchait à ses côtés, les mains dans les poches. En revoyant cette exquise fleur de beauté, en songeant qu'elle était mêlée à des créatures dégradées par la misère et la démence, le poète sentit sa gorge se serrer. Des larmes étendirent un brouillard sur ses yeux, quand il les eut essuyées. Angèle avait disparu, et le docteur revenait seul, traversant la cour d'un pas pesant. Des armoires s'en retourna le cœur navré et retrouva Toussaint qui se promenait fiévreusement sous les quinconces de la grande cour. « C'est horrible !» s'écria-t-il en lui racontant ce qu'il avait vu. Joseph l'écoutait les bras croisés et les yeux fixés vers les noires bâtisses de cette ville de la folie dont la massive architecture se profilait sur le ciel. « Eh bien !» dit René quand il eut achevé son triste récit. « Venez, à quoi songez-vous ? » « Je pense, » répondit Joseph, « à ces pauvres filles de la province qui, le soir, accoudées à leurs fenêtres, aspirent aux joies de l'existence parisienne et poursuivent leurs rêves jusque dans les brumes du couchant. Si elles pouvaient voir alors se dresser à l'horizon, comme un terrible mirage, ce lugubre hôpital hanté par la fièvre et le délire, comme elles seraient prises d'un frisson salutaire, comme elles renonceraient pour toujours à quitter leur petite ville, où les bonnes femmes filent et causent doucement, assis sur les marges des portes. Partons, répliqua René avec un geste d'impatience et de colère. Allons chercher les moyens de faire sortir Mademoiselle Sénéchal de cet enfer.